Cosmologique, supersonique, cataclysmique, 4 × 8, je recompte vite, c'est pas magique, c'est multiple. Un coup dans le pif, pas intuitif, hyper motif, sans étif, 5 × 10, mais parfois 6, si tu résistes, activiste, 4 × 8, je recompte vite, c'est pas magique, c'est multiple. Je mets